Certains disent tout est possible, d'autres tout n'est pas possible. Même moi, ma cible, c'est de traverser la mer glacée et sur le pôle m'en aller danser. Le corps perdu dans les glaces du vieux monde qui s'efface. Tout seul, je nage dans une mer de glace dressée où les montagnes voyagent tout l'été. Je m'en vais. Je n'accroche aucun problème, mon ancre traîne au creux d'une mer à fond perdue, là où aucun bateau ne vient plus. Et du pôle nord aux équinoxes, loin des montagnes d'Écosse, là où les morses se parlent à coups de dents pointues, en pointillés sur leur chair nue. Ce cœur qui joue les breloques pour une idiote qu'on le jette au bord de ta rue comme une perle de plomb mal fondue. Certains disent tout est possible, d'autres tout n'est pas possible. Mais moi ma cible c'est de trouver ma vie perdue avec ta vie au coin de ton